Oh la plage. Yeah, oh la plage. Ok, la plage. Et donc c'est la plage et aujourd'hui pour la plage on est très heureuse de retrouver Aurélien Chapuis. Bonjour Aurélien. Bonjour. Et donc Aurélien Chapuis est chargé de projet et il vient nous présenter « Tout est mot dans ma tête hein, » qui aura lieu dimanche 9 avril de 17h à 18h. Donc c'est une collaboration avec l'ensemble Contrechamp. Mais peut-être vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette collaboration et on vous écoute. Merci. Alors, chef de projet et chef de chœur et d'orchestre, j'ai créé ce chœur de Contrechamp. M'a demandé de créer un chœur dans le milieu du handicap et du non-handicap, que je connais très très bien, parce que moi, je travaille moi-même dans une institution de handicap à Genève, et suis un handicap aussi. Donc oui, c'est Serge qui est venu me chercher, donc Serge Huy, le directeur artistique de Contrechamp, qui est venu me chercher, il m'a demandé si j'étais d'accord de faire quelque chose avec, dans le milieu du handicap, et j'ai tout de suite accepté, c'était vraiment dans mes cordes. En plus de créer un chœur, j'ai créé un chœur aux épis, là où l'institution je travaille, donc je suis chef de chœur déjà, et chef d'orchestre, pas encore, c'est la première fois, mais c'est un beau challenge pour moi. Ah oui, c'est voilà. Le micro était coupé. Et donc tout est mot dans ma tête. C'est une création d'Églantine Émeillé au départ. Hein. Et donc comment vous vous êtes retrouvée à travailler avec cet artiste et avec cette œuvre? Alors, Églantine est une journaliste française qui a un fils Samy qui a écrit un livre. Qui correspond en fait entre deux personnes, Samy, son fils, et le réfugié américain qu'ils ont accueilli chez eux. Et ils ont correspondu par le biais du lit, parce que toute l'histoire tourne autour d'un lit qui est vraiment dans l'histoire. Samy a laissé un mot à ce réfugié irakien, Samy est dans l'institution où il est pour son problème d'épilepsie et puis de polio handicapé, était, parce que malheureusement il est décédé, je devrais en parler au passé, mais j'aime pas du tout. Et voilà, et ce réfugié irakien correspondait avec lui, et il se raconte, c'est une histoire imaginaire en fait, il y a un peu de vrai aussi, mais la plupart est imaginaire, et... Ils correspondent en disant, voilà, qu'est-ce que tu fais, quel âge as-tu, et d'autres choses. Vous entendez ça, chers auditeurs et auditrices, dans le spectacle, parce que la grande partie du texte est mise en musique et puis est lue par un comédien professionnel, une comédienne professionnelle et un comédien en situation de handicap. Donc c'est vraiment magnifique. Et ce livre, je l'ai trouvé tout à fait par hasard. Hein. J'ai cherché des livres... pour avoir un livre sur le milieu du handicap, et je suis tombé dessus, et Églantine est magnifique, et j'ai tout de suite pris ce livre, quoi, vraiment. Et est-ce que vous pourriez nous parler justement un peu de cette collaboration, comment vous avez travaillé avec tous ces différents acteurs et actrices, enfin je ne sais pas si on peut dire acteur-actrice, mais en tout cas que ce soit les membres de Contrechamp, que ce soit les résidents de l'atelier d'écriture de la Fondation Clairbois, mais que ce soit peut-être aussi avec Églantine Émeillé, enfin c'est une collaboration très multiple, et donc comment on arrive à mener un projet d'une telle ampleur? Alors oui, le projet d'une telle ampleur, comme vous dites si bien, c'est que j'ai commencé à chercher des gens. J'ai écrit dans les institutions de handicap à Genève pour demander si on pouvait avoir des personnes qui ont des handicaps qui pouvaient chanter, qui voulaient chanter surtout. À ma grande surprise, la plupart ont répondu positivement et sont restés. Il y a eu des négatifs, bien sûr, mais ça m'a vraiment intéressé parce que je me dis que c'est vraiment des gens qui veulent chanter, qui aiment chanter. Et puis dans les personnes qui sont en non-handicap, j'ai écrit un peu à tout le monde, à mes amis, connaissances, d'autres personnes. Serge, il y a des gens de sa famille qui sont dans le cœur. Donc c'est toute une collaboration entre nous. Contrechamp aussi pour la musique a été faite par Simon Schliemann, donc le compositeur de guitariste de son état à contrechamp. Et on a collaboré entre nous et les textes, alors ça je ne vous ai pas dit, j'aurais dû commencer par ça peut-être. Les textes, deux textes de Frites et Libres que vous entendrez, sont des textes qui ont été créés par Sabrina Renlund, qui est une magnifique dame de Clairbois-Pinchat, c'est sa vie en fait, hein, c'est manger et être libre. Et elle a écrit ces deux textes magnifiques qu'on a mis en musique aussi, vraiment. Alors, il est aussi question au programme de l'intervention d'un artiste peintre, Alexander Baumgartner, qui va proposer une performance visuelle en direct. Oui. Comment est-ce que ça s'articule ça avec le reste ? Alors, j'ai demandé, on va encore en discuter, mais je pense que c'est bon. J'ai demandé à Alexandre de peindre pendant que le texte se faisait avec Philippe Sudan, qui est l'acteur en situation de handicap, et Caroline Gasser, l'actrice professionnelle, et le chœur et contrechamp. Et puis, Alexandre interviendra pour peindre un peu ce qu'on dit dans le texte, etc. Il fera un peu à sa manière, parce que c'est vraiment des peintures assez magnifiques, mais assez... comment dire ça ? Je ne trouve pas le mot, mais c'est magnifique, quoi, vraiment. Et Alexandre, je lui ai demandé, il était tout à fait d'accord de faire ça, parce qu'il adore peindre, il fait des magnifiques peintures, il a déjà fait des choses avec la musique, dans d'autres situations. Donc, ouais, ça s'articulera au fait autour du texte de Tout est mon dans ma tête. C'est vraiment pas les deux chansons, hein, parce que les deux chansons, on commencera par ça. Il y aura la plus grande partie, ce sera pour le texte et Alexandre, justement. Et moi, je me demandais si vous aviez déjà présenté une fois le projet, ou même pour vous, est-ce que vous avez déjà vu à quoi ça allait ressembler, ou ça va vraiment être une première le dimanche 9 avril ? Alors, ce sera une première le dimanche 9 avril. Je présente le projet à mes musiciens et tout ça, parce qu'on répète beaucoup, beaucoup, beaucoup. Moi, je travaille beaucoup à la maison. Mais pour le public, en général, ce sera vraiment une première le dimanche 9 avril. Hein. Tout à fait. Alors, justement, quand on parle de la préparation de ce projet, en fait, combien de temps est-ce que ça aura pris en tout, en fait, depuis le début jusqu'à maintenant, et puis à quel rythme ? Alors, le projet a commencé début 2022. C'est là que Serge m'a appelé, et puis qu'on a commencé à se voir pour parler un peu du projet, monter le projet, etc., trouver les personnes et tout ça. Et puis les répétitions ont commencé peu après, hein, en 2022 aussi. Donc ça fait à peu près une année qu'on est dessus avec tous les musiciens. Enfin, pas les musiciens. On a commencé avec un pianiste qui nous a aidés pour les chansons et tout ça. Et maintenant avec les contrechamps au complet. Mais contrechamp au complet, c'était pas gagné parce que il y avait pas tout le temps les musiciens, tous les musiciens qui étaient là, il y avait des remplaçants, etc. Donc j'ai dû un peu travailler avec des bouts de ficelle, on va dire, mais très très magnifique, hein. Vraiment, les remplaçants étaient magnifiques. J'ai beaucoup aimé travailler avec eux parce que ils m'apprenaient beaucoup de leur côté aussi, parce que évidemment je suis pas professionnel, je suis amateur, mais ils m'apprenaient beaucoup au niveau du rythme, ils me donnaient beaucoup de conseils, etc. Et maintenant, on va commencer avec vraiment tout le monde. Tout le monde est là, mais je pense que maintenant il y aura les musiciens qui seront au concert à partir de jeudi prochain. Jeudi qui vient plutôt. Et samedi et dimanche, c'est le concert. Donc, c'est vraiment les trois dernières répétitions qu'on a avec le concert. Donc, ça me fait un peu peur, mais ça va aller. Je me permets de laisser la parole à Doris, hein, qui réalise des chroniques chaque jour chez nous, et qui est là pour ce direct et qui avait une petite question. Bien sûr. Donc je me demandais, vous travaillez avec des personnes professionnelles, comment est-ce que vous faites vraiment pour travailler avec eux ? Alors, c'est une bonne question. Comment dire ça? Je travaille avec eux de manière tout à fait détendue et confiant. Parce que détendu, parce que je sais que je sais diriger un chœur et que je sais diriger aussi un petit orchestre. C'est vraiment. Voilà, j'ai travaillé avec eux d'une manière complètement détendue et puis confiant parce que je sais qu'ils peuvent m'apporter des choses et ils m'ont beaucoup apporté des choses. Et ouais, sinon c'est magnifique. Alors, on a évoqué le temps de préparation long et puis finalement tous ces acteurs, actrices qui interviennent dans ce projet. Mm-hmm. Est-ce qu'il y aura un après? Est-ce que ça a initié quelque chose qui va être poursuivi soit sous la même forme, peut-être d'une tournée ou d'autres représentations? Ou est-ce que c'est un projet qui s'ouvre dans le cadre de votre activité de travailleurs, de chargés de projet, développement de relations avec les artistes? Alors, continuité, il y aura. Oui, tout à fait. C'est officiel, je peux l'annoncer. Maintenant, continuité, il y aura. En 2024, il y aura. On prévoit un concert. On espère deux. Et moi, j'ai demandé plutôt, si on pouvait refaire ce projet avec les acteurs et actrices pour que ceux qui n'ont pas pu venir à Pâques, parce que Pâques, évidemment, c'est très pris par les familles, etc. Donc, j'ai demandé, et j'aimerais bien, que ce soit repris en 2024, mais une autre date, pour que les gens qui n'ont pas pu venir à Pâques puissent venir écouter ce projet qu'on fait maintenant. Ouais. Et puis, l'autre projet, ce sera des chansons, une dizaine de chansons qu'on aimerait bien avoir avec justement dans le milieu du handicap. Je vais refaire des demandes pour savoir si des personnes veulent écrire des textes, etc. Et il y aurait une dizaine de chansons et là, ce serait vraiment un grand concert incorporé, quoi. Donc, pour 2024. Donc, est-ce que les chansons sont accompagnées d'instruments? Oui. Il y a un quatuor, donc il y a une percussion. Ça, je tenais absolument à avoir une percu parce que j'adore cet instrument et je voulais diriger une percu. Il y a un violoniste, une contrebassiste et un guitariste. Donc c'est magnifique. Et justement, comment ça se passe de faire de la chanson à un orchestre de musique contemporaine? C'est quelque chose qui est aussi assez, qui doit être assez particulier pour eux, en fait. Est-ce qu'il y a des retours aussi de cette collaboration de leur côté ou... Oui, alors eux, ils adorent. Tout de suite, ils ont été pris par le projet. Et des chansons, en fait, c'est contemporain parce que c'est une création. Hein. C'est vraiment une création. Donc, Simon, comme je l'ai dit tout à l'heure, a fait de la musique et les textes par Sabrina. Et puis, c'est vraiment une création. Donc, il n'y a pas de choses connues ou comme ça. C'est vraiment quelque chose qui sera connu après, mais pour l'instant, pas. Et moi, je me demandais, est-ce que vous avez eu... Enfin, quelle est votre pratique, vous, à côté? Est-ce que vous avez déjà mené d'autres projets de ce type-là, avec d'autres ensembles ou avec d'autres artistes? Ou est-ce que c'est une première pour vous aussi? Enfin, comment ça s'inscrit dans votre parcours à vous? Alors, mon parcours musical, oui, alors, c'est bien que vous en parliez, parce que mon parcours musical, c'est donc la rythmique solfège. J'ai fait 5 ans de rythmique solfège. Ensuite, j'ai été dans un chœur à la cathédrale avec des petits... la cathédrale de Genève, ensuite des grands, j'ai passé aux grands. Actuellement, je chante le chant sacré avec qui j'apprends beaucoup. J'ai appris sur le tas la direction avec tous les chefs que j'ai vus, des concerts où je vais, etc. Et puis, on a eu effectivement la chance d'avoir un petit ensemble pour les 10 ans du Chœur des Épis, donc un violoniste, un pianiste, et un clarinettiste qui était là pour les 10 ans du Chœur des Épis. Et c'est à cette occasion que j'ai vraiment dirigé pour une première fois un petit ensemble. Mais autrement, je n'ai pas d'autre expérience que ça. Et vous avez déjà eu envie de composer vous-même ou d'écrire pour un chœur? Oui, j'ai écrit plutôt les chansons pour les 10 ans des Épis pour remercier l'ancien directeur du CIP à l'époque, mais des Épis maintenant. Avec une collaboratrice, on a un peu mis en musique et écrit un petit texte pour lui, pour le remercier. sur la musique de Champs-Élysées, de Joe Dassin. Mais c'est la seule chose que j'ai faite en composition, mais autrement, peut-être, pourquoi pas, à l'avenir, si d'autres choses se présentaient. Alors peut-être qu'on peut juste redire ce que sont les épis, et puis peut-être aussi quelle est la part de projet artistique au sein de cette organisation. Alors, les EPI sont des établissements publics pour l'intégration. C'est une institution qui accueille des personnes en situation de handicap. Il y a plein d'ateliers. Il y a atelier serrurerie, il y a atelier mécanique, il y a la réception où je travaille. Il y a plein d'autres ateliers. Il y a aussi des résidences pour accueillir les personnes qui sont en situation de handicap et qui ne peuvent pas du tout être indépendant ou indépendant. Là, j'ai travaillé avec des personnes qui sont dans une sorte d'EMS qui ont des handicaps. Donc, c'est vraiment... voilà, il y a plein de choses qui se font au sein des EPI. Et c'est vraiment magnifique. Moi, j'aime beaucoup travailler dans cette institution. C'est un milieu magnifique, quoi. Et donc, j'ai pas compris. Les EPI se situent à Genève, c'est ça? Alors, les EPI se situent dans tout Genève. Il y a plein d'endroits à Genève où il y a des EPI. Mais il y a aussi des gens de l'extérieur qui viennent, justement, à Chênes. Il y a là où je travaille, il y a des gens qui viennent de Valais, de Fribourg, etc. Et qui ont des sortes de... pas des sortes, des... comment on appelle ça, des dortoirs, enfin c'est pas des dortoirs en fait, c'est des petites chambres où ils peuvent rester pendant la semaine et rentrer le week-end, puis revenir pendant la semaine, donc c'est vraiment, ça se fait comme ça, tout à fait. Et puis, ben, dans la présentation, il est question d'une scène bouillonnante et généreuse, et puis néanmoins largement sous-représentée. Est-ce que vous pouvez dire quelques mots de cette sorte d'émulation? Alors, j'ai vu ça, j'ai essayé de voir comment je pourrais vous répondre, je pensais bien que vous alliez me poser la question. C'est la question piège. C'est la question un peu piège. Bouillonnante, parce que bah, c'est des œuvres magnifiques, et puis ça parle, vous verrez, hein, de piscine, de frites, de poupées, etc. Donc, il y a une bouillonnante qui se met là-dedans. Et puis dans le texte aussi, vous verrez, il y a un moment donné où Samy dit qu'il a envie de rentrer, mais qu'il ne peut pas, que sa maman vient dans la chambre et puis elle éteint toutes les télés parce qu'elle n'aime pas qu'il y ait les télés allumées. Donc ça aussi, c'est bouillonnant pour moi parce que c'est un peu... il ne laisse pas le choix, en fait. Il ne laisse pas le choix aussi à son colistier qui est dans la chambre. Donc ouais, c'est un peu ça, quoi. Justement, pour en revenir au texte, tous les mots dans ma tête, tous tes mots dans ma tête d'Églantine Émeillé, est-ce que ce texte a été vraiment aussi utilisé dans le processus d'élaboration de l'atelier d'écriture pour les textes ou... Alors, pas du tout. Non. Pas du tout. Non, ça a été vraiment, c'est vraiment à part. C'est vraiment à part. En fait, on aurait dû commencer avec Alexandre Julien et les éloges dans la faiblesse. Et puis, on m'a dit à un moment donné qu'il ne fallait plus faire ça parce qu'il y a eu une histoire d'agression sexuelle d'Alexandre Julien, etc. Et puis, ils m'ont dit tout de suite, non, on veut pas, on peut pas faire ça, la presse nous tombe dessus, etc. Donc, j'ai dû trouver un autre livre. J'avais déjà tout mis en musique, enfin, tout organisé pour la musique, etc. Et puis, on m'a dit de mettre un autre livre. Donc, heureusement, c'était assez tôt pour le faire parce que je ne sais pas comment j'aurais fait. Et j'ai été à Payot, et mon bureau, le lundi après-midi, quand je suis à contre-champ, ça a été Payot, et j'ai lu plein de livres, et j'ai trouvé ce texte qui m'a magnifiquement surpris, et puis c'est comme ça que j'en suis arrivé à tous les mots dans ma tête, en fait, hein, vraiment. Mais au départ, ça ne devait pas être ça. Et est-ce que Églantine Émeillé a été là à un moment, a écouté, entendu, et est intervenu, ou pas du tout? Pas du tout, non. Malheureusement, Églantine, je lui ai écrit, on l'aurait écrit par le biais de son attaché de presse, et elle ne peut pas venir. On est vraiment déçus parce qu'on aurait voulu qu'elle soit là. Mais je vais voir avec Serge si je peux lui envoyer l'interview que j'ai faite avec l'élément bleu. Et puis, si c'est filmé, on espère, de lui envoyer le spectacle. Voilà, on espère que ça sera filmé, comme ça je pourrai voir son livre mis en musique et lu par des acteurs magnifiques. Bah, merci beaucoup Aurélien Chapuis. Donc, je le rappelle, vous étiez venu présenter Tout est mot dans ma tête que nous pourrons écouter dimanche 9 avril de 17h à 18h. Mm-hmm. Et donc, qui est une collaboration entre des résidents de la Fondation Clairbois et l'ensemble Contrechamps à partir d'un texte d'Églantine Meillet, Tout est mot dans ma tête. On se réjouit de pouvoir le voir et l'écouter. Merci. Ah oui, et j'ai oublié de dire qu'il y avait aussi le peintre Alexandre Baumgartner qui sera là pour performer, faire une performance visuelle. Pour le spectacle. Voilà. Et je rajoute, si je peux permettre de rajouter, que, donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a une suite, il y a un flyer qui a été fait pour distribuer aux gens, aux personnes du spectacle et nous. Et on cherche des choristes pour la suite, pour 2024, y compris des enfants, parce que mon rêve, c'est aussi de créer un chœur d'enfants. Donc, comment ils peuvent se signaler, s'inscrire pour faire partie de ce chœur? Alors, on va monter ils ont monté un flyer magnifique et on va le distribuer pendant le spectacle ou après le spectacle. Et on espère aussi, mais ça, c'est pas du tout, je vais pas vous en parler parce que c'est pas du tout sûr, mais on espère avoir quelque chose d'autre pendant le spectacle. Merci beaucoup. Et puis, à dimanche alors. À dimanche, merci beaucoup. Merci beaucoup.